Saint Augustin, œuvre dogmatique de la Trinité, tome 12e des œuvres complètes, édition Guérin et compagnie, 1868. Markem.archive.org, d'après Abbaye Saint-Benoît.ch. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique. Livre 2e, Mission et apparition. Encore de l'égalité et de l'unité de substance dans les trois personnes divines. Celui qui est envoyé n'est point inférieur à celui qui l'envoie. Diverses apparitions de Dieu rapportées dans l'Écriture. La Sainte Trinité, immuable et invisible de sa nature, est présente en tout lieu. Il y a en elle unité d'action dans la mission et dans l'apparition. Préface. Ceux qui cherchent Dieu, et qui s'appliquent, selon la faiblesse de l'esprit humain, à comprendre le mystère de la Sainte Trinité, entreprennent un travail laborieux et difficile. Car, d'un côté, l'intelligence elle-même s'émousse dans ses efforts pour fixer cette lumière inaccessible, et de l'autre, l'Écriture renferme une foule d'expressions dont il n'est pas toujours bien facile de saisir le sens. Je crois que l'Esprit Saint a permis ces difficultés afin d'humilier notre raison, et de la relever ensuite en la forçant de se laisser diriger et éclairer par la grâce de Jésus-Christ. C'est pourquoi, si vous parvenez en un tel sujet à découvrir la vérité pleine et entière, vous devez être facilement indulgent pour ceux qui s'égareraient dans les profondeurs de cet impénétrable mystère. Mais l'homme qui se trompe, doit se prémunir contre deux vices qu'on lui pardonnerait difficilement. Le premier serait de se montrer présomptueux, avant que d'avoir saisi la vérité, et le second serait de s'opiniâtrer à défendre une erreur prouvée et démontrée. Puisse le Seigneur exaucer ma prière, et me préserver de ces deux vices également contraires à la recherche de la vérité, et à la saine interprétation des Saintes Écritures. Puisse-t-il aussi, comme je l'espère, me couvrir du bouclier de sa bonne volonté et de sa miséricorde, afin que je continue avec une ardeur nouvelle à étudier, soit dans l'Écriture, soit dans la nature visible, la grande question de la nature divine. Au reste, ces deux sources ne nous sont ouvertes que pour nous faciliter la recherche et l'amour de celui qui a inspiré l'une et créé l'autre. Je n'hésiterai pas non plus à dire franchement ma pensée, et toujours je rechercherai l'approbation des gens judicieux, bien plus que je ne craindrai les critiques des méchants. Et en effet, la charité qui est la plus belle des vertus, et si modeste qu'elle emprunte volontiers le doux regard de la colombe, et l'humilité qui est sincère, évite avec soin d'employer la dent du dogue, même lorsqu'elle prouve invinciblement la vérité. D'ailleurs, je préfère les observations de tout censeur catholique aux louanges et aux flatteries d'un hérétique. Car celui qui aime réellement la vérité, ne doit craindre aucune critique. Et en effet, c'est ou un ennemi qui vous reprend, ou un ami. Si c'est un ennemi qui vous insulte, il faut le supporter. Si c'est un ami qui s'égare, il faut le ramener en la bonne voie, et s'il veut vous instruire, il faut l'écouter. Mais l'hérétique qui vous loue et qui vous flatte, ne fait que vous affermir dans votre erreur, et vous y enfoncer plus profondément. Que le juste me reprenne donc, et me corrige avec charité, mais que l'huile du pécheur ne se répande point sur ma tête. Psaume 145. Chapitre 1er, Règles d'interprétation. Tout chrétien qui veut parler de notre Seigneur Jésus-Christ, doit s'attacher inviolablement à la règle canonique qui est basée sur l'Écriture et sur l'enseignement des docteurs catholiques. Or cette règle nous apprend à considérer le Fils de Dieu comme égal à son Père, selon la nature divine qu'il possède essentiellement, et inférieur au Père selon la forme d'esclave qu'il a daigné prendre. En cette forme il est inférieur au Père, et à l'Esprit Saint. Que dis-je, il est inférieur à lui-même, non certes en tant qu'il a été dans le temps, mais en tant qu'il est. Car en prenant la forme d'esclave, il n'a point dépouillé la forme de Dieu. Et c'est ce que j'ai prouvé dans le livre précédent par plusieurs citations des Saintes Écritures. Cependant, il faut reconnaître que nos livres sacrés renferment quelques passages dont le sens peut sembler douteux. Le lecteur hésite donc à les entendre du Fils qui, comme homme, est inférieur au Père, ou du Fils qui, comme Dieu, est égal au Père. C'est qu'en effet nous disons du Fils qu'il est Dieu de Dieu, et lumière de lumière, tandis qu'en parlant du Père, nous disons simplement qu'il est Dieu, et non, Dieu de Dieu. Il est en effet évident que Dieu le Fils a un Père qui l'a engendré, et dont il est le Fils. Le Père au contraire ne doit rien au Fils, si ce n'est que par lui il est le Père, car tout Fils tient de son Père tout ce qu'il est, et il ne peut cesser d'être son Fils. Mais le Père n'est point redevable à son Fils de ce qu'il est, puisqu'il est son Père. Ainsi dans l'Écriture certains passages marquent qu'entre le Père et le Fils il y a égalité et unité de nature. En voici quelques-uns, mon Père et moi sommes un. Et encore, Jésus-Christ ayant la nature de Dieu, n'a pas cru que ce fût pour lui une usurpation de s'égaler à Dieu. Jean 10, 30, Philippiens 2, 6. Il serait facile de multiplier des citations semblables, mais d'un autre côté plusieurs textes prouvent que le Fils est inférieur au Père en tant qu'il a pris la forme d'esclave, et qu'il a revêtu l'infirmité de la nature humaine. Le Père, dit Jésus-Christ, est plus grand que moi. Et encore, le Père ne juge personne, mais il a donné au Fils la puissance de juger. Aussi ajoute-t-il, comme conséquence de cette première parole, que cette puissance de juger lui a été donnée parce qu'il est fils de l'homme. Jean 14, 28, 5, 22, 27. Enfin quelques autres passages se taisent sur toute idée d'égalité, ou d'infériorité, et se bornent à exprimer ce que le Fils tient du Père. Tels sont ceux-ci. Comme le Père a la vie en soi, ainsi il a donné au Fils d'avoir en soi la vie, et le Fils ne peut rien faire par lui-même. Qu'il ne le voit faire au Père. Jean 5, 26, 19. Si l'on rapportait ce dernier texte à Jésus-Christ comme étant inférieur au Père, en tant qu'il a pris la forme d'esclave, il s'ensuivrait que le Père a marché le premier sur les eaux, qu'il a guéri avec de la salive et de la boue un aveugle né, et qu'il a opéré tous les miracles que le Fils, comme homme, a fait parmi les hommes. Matthieu 14, 26, Jean 9, 6, 7. Autrement Jésus-Christ n'eût pu les faire, puisque, le Fils ne peut rien faire par lui-même, qu'il ne le voit faire au Père. Mais qui porterait jusqu'à ce point le délire et l'extravagance? Le sens de ces paroles est donc d'abord, que la vie est immuable dans le Fils comme dans le Père, et que néanmoins le Fils est engendré du Père. Ensuite qu'il y a dans le Père et le Fils unité d'opération. Et que néanmoins le Fils tient du Père qui l'a engendré, la puissance d'agir, et en troisième lieu que le Fils voit le Père, mais de telle manière que de cette vue résulte le fait de sa génération. Et en effet, pour le Fils, voir le Père, c'est être du Père ou en être engendré, et le voir agir, c'est agir également, mais non de lui-même, parce qu'il ne s'est pas engendré lui-même. Aussi dit-il que, quelque chose que le Fils voit faire au Père, il le fait aussi, parce qu'il est né du Père. Jean 5, 19. Mais ici il ne faut se représenter ni le peintre qui reproduit le tableau qu'il a sous les yeux, ni la main qui fixe par l'écriture les pensées de l'esprit. C'est un ordre d'opération tout différent, car, quelque chose que le Père fasse, le Fils le fait également comme lui. Ibidem. Ces derniers mots, également et comme lui, expriment qu'il y a unité d'opération dans le Père et le Fils, et ils indiquent en même temps que le Fils agit par le Père. C'est pourquoi, le Fils ne peut rien faire par lui-même, qu'il ne le voit faire au Père. Au reste, en parlant ainsi, les écrivains sacrés n'ont point voulu affirmer que le Fils, comme Dieu, est inférieur au Père, et ils se sont seulement proposés de nous marquer sa génération éternelle. C'est donc faussement que quelques-uns en concluent l'infériorité du Fils. Cette erreur provient en eux d'une connaissance peu approfondie de nos livres saints, et parce que la saine raison se refuse à interpréter ces divers passages du Fils de Dieu, comme homme, ils se troublent et s'égarent en leurs pensées. Voulons-nous éviter ce malheur, attachons-nous fortement à la règle qui explique ces textes, non de l'infériorité du Fils, mais de sa génération, et voyons-y, non l'indice d'une inégalité quelconque entre le Père et le Fils, mais le mode de la naissance de celui-ci. Chapitre 2. Deux sens également vrais. Il se rencontre donc dans l'Écriture, comme je l'ai déjà observé, certains passages dont le sens semble douteux. Et, en effet, ils peuvent vous signifier que le Fils, en tant qu'homme, est inférieur au Père, ou affirmer que quoique parfaitement égal au Père, il est sorti de son sein. Dans ce cas, et si la difficulté ne peut être levée, je pense qu'on peut en toute sûreté entendre ces passages de Jésus-Christ, et comme homme et comme Dieu. En voici un exemple, « Ma doctrine, dit Jésus-Christ, n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Jean 7, 16. Or, cette parole peut s'appliquer à Jésus-Christ comme homme, ainsi que je l'ai démontré dans le livre précédent, voyez le premier livre, chapitre 2, et aussi à Jésus-Christ comme Dieu, et en cette qualité égale au Père, quoiqu'il soit né du Père. Et, en effet, en tant que Jésus-Christ est Dieu, il ne faut pas distinguer en lui l'être et la vie, puisqu'il est lui-même la vie. Et de même on ne doit point séparer en lui la doctrine de la personne, parce qu'il est lui-même la doctrine céleste. Précédemment nous avons vu que cette parole, le Père a donné au Fils d'avoir la vie en soi, signifiait que le Père a engendré un Fils qui est lui-même la vie, et c'est ainsi que cette autre parole, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé, indique que le Père a engendré un Fils qui est lui-même la doctrine céleste. En formulant cette affirmation, Jésus-Christ voulait dire « Je ne me suis point moi-même donné l'être, mais je l'ai reçu de celui qui m'a envoyé. » Chapitre 3. L'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Quant à l'Esprit Saint, nous ne saurions sans doute dire qu'il s'est anéanti lui-même en prenant la forme d'esclave. Et néanmoins à son égard Jésus-Christ s'exprime ainsi. Lorsque l'Esprit de vérité sera venu, il vous enseignera toute vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il recevra de ce qui est à moi, Jean 16, 13 à 15. Si le Sauveur n'eût immédiatement ajouté « Tout ce qui est à mon Père est à moi », c'est pourquoi je vous ai dit que l'Esprit recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Peut-être eussions-nous cru que l'Esprit Saint était né du Fils, comme celui-ci est né du Père. Et, en effet, il avait dit en parlant de lui-même, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé », et en parlant de l'Esprit Saint, « Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu. Et encore, il recevra de ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. » Toutefois, parce que le Sauveur explique ainsi cette dernière parole, « Il recevra de ce qui est à moi », en disant, « Tout ce qui est au Père est à moi, c'est pourquoi je vous ai dit que l'Esprit recevra de moi, et vous l'annoncera. » Nous ne pouvons pas ne point comprendre que l'Esprit Saint recevra également du Père et du Fils. Telle est, en effet, la conséquence rigoureuse de ces paroles. Lorsque le Consolateur sera venu, cet Esprit de vérité qui procède du Père, et que je vous enverrai de la part de mon Père, rendra témoignage de moi. Jean 15, 26. C'est donc comme procédant du Père que cet Esprit de vérité ne parle pas de lui-même, mais ici il est utile de rappeler que le Fils n'est point inférieur au Père, parce qu'il a dit « Le Fils ne peut rien faire par lui-même, qu'il ne le voit faire au Père. » Jean 5, 19. Car il a prononcé ces paroles non comme homme, mais comme Dieu, ainsi que je l'ai prouvé. Et c'est pourquoi elle signifie, non que le Fils est inférieur au Père, mais qu'il est engendré du Père. Et de même l'Esprit Saint ne cesse point d'être égal au Père et au Fils, parce que Jésus-Christ a dit, qu'il ne parlera pas de lui-même, mais qu'il dira tout ce qu'il aura entendu. Cette parole indique seulement que l'Esprit Saint procède du Père. Mais puisque le Fils est né du Père, et que l'Esprit Saint procède du Père, pourquoi ne les nommons-nous pas tous deux fils, engendrés? Je me réserve de répondre plus tard à cette question, et de prouver, si le Seigneur m'en fait la grâce, que le Fils est fils unique du Père, et que l'Esprit Saint, quoique procédant du Père, n'en vient point par voie de filiation, ni de génération. Voyez le livre 15e au chapitre 25. Chapitre 4. Le Fils glorifié par le Père. Et maintenant secouez votre sommeil, si vous le pouvez, ô vous qui vous flattez d'appuyer l'infériorité du Fils à l'égard du Père sur cette parole. Père, glorifiez-moi. Jean 17, 1. Et quoi ? Voilà que l'Esprit Saint lui-même glorifie le Fils, mais est-ce une raison pour affirmer qu'il lui est supérieur? Or, l'Esprit Saint ne glorifie le Fils que parce qu'il reçoit du Fils, et il n'en reçoit ce qu'il doit annoncer que parce que le Fils lui-même a tout ce que possède le Père. Ainsi il est évident que tout ce qui est au Père appartient non seulement au Fils, mais encore à l'Esprit Saint, puisque ce dernier a le pouvoir de glorifier le même Fils que le Père glorifie. Enfin, si mes adversaires veulent absolument que celui qui glorifie soit plus grand que celui qui est glorifié, du moins ne pourront-ils pas ne point reconnaître une égalité parfaite entre le Père et le Fils qui se glorifie réciproquement. Il est en effet écrit que le Fils glorifie le Père. « Père, dit Jésus-Christ, je vous ai glorifié sur la terre. » Jean 17, 4. Mais qu'ils évitent alors une nouvelle erreur, qui serait de croire l'Esprit Saint supérieur au Père et au Fils, parce que, d'un côté, il glorifie le Fils que glorifie aussi le Père, et que, de l'autre, l'Écriture ne dit nulle part qu'il soit lui-même glorifié par le Père, ou par le Fils. Chapitre 5. Le Fils et le Saint-Esprit envoyés par le Père. Convaincus sur ce point, mes adversaires se retournent vers un autre et disent « Celui qui envoie est évidemment plus grand que celui qui est envoyé. Le Père est donc plus grand que le Fils, puisque celui-ci ne cesse de se dire envoyé par le Père, et il est encore plus grand que l'Esprit Saint. » Puisque le Fils dit de ce dernier que le Père l'enverra en son nom. Jean 14, 26. Quant à l'Esprit Saint, il est certainement inférieur au Père qui l'envoie, comme je viens de le rappeler, et inférieur aussi au Fils qui disait à ses apôtres, « Si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Voilà bien l'objection, et pour la résoudre avec plus d'honnêteté, je demande tout d'abord d'où le Fils a-t-il été envoyé, et où est-il venu? Je suis sorti de mon Père, dit-il lui-même, et je suis venu dans le monde. Jean 16, 7, 28. Ainsi le Fils est envoyé, parce qu'il sort de son Père, et vient dans le monde. Mais que signifie donc ce passage du même évangéliste? Le Verbe était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Et, ajoute-t-il, il est venu chez lui. Jean 1, 10, 11. Ainsi le Fils a été envoyé là où il est venu. Mais si en sortant de son Père il est venu dans le monde, où il était déjà, il a donc été envoyé là où il était. Et, en effet, nous lisons dans les prophètes que le Seigneur dit « Je remplis le ciel et la terre » Jérémie 23, 24. Quelques interprètes attribuent même cette parole au Fils qui, selon eux, l'aurait ou inspiré au prophète, ou prononcé par sa bouche. Quoi qu'il en soit, le Fils n'a pu être envoyé que là où il était déjà. Car où n'est pas celui qui a dit « Je remplis le ciel et la terre » Voulez-vous rapporter cette parole au Père? J'y consens. Mais où le Père peut-il être sans son Verbe? Et sans cette sagesse qui atteint d'une extrémité à l'autre avec force, et dispose toutes choses avec douceur? Sagesse 8, 1. Bien plus. Où peut-il être sans son Esprit? Aussi l'Esprit Saint lui-même a-t-il été envoyé là où il était. C'est ce que nous fait comprendre le psalmiste, lorsque, voulant exprimer que Dieu est présent en tout lieu, et qu'il ne pouvait se dérober à ses regards, il nommait tout d'abord l'Esprit Saint, et s'écriait « Seigneur, où irai-je de devant votre Esprit ? Ou fuir devant votre face? Si je monte vers les cieux, vous y êtes? Si je descends au fond des enfers, vous voilà? » Psaume 138. Mais puisque le Fils et l'Esprit Saint sont envoyés là où ils étaient déjà, il ne nous reste plus qu'à expliquer le mode de cette mission du Fils et du Saint-Esprit. Car, pour le Père, nous ne lisons nulle part qu'il soit envoyé. Et d'abord je transcris, relativement au Fils, ce passage de l'apôtre. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils, formé d'une femme et assujetti à la loi, pour racheter ceux qui étaient sous sa loi. Galates 4, 4. Cette expression, formé d'une femme, signifie pour tout catholique, non que Marie perdit alors sa virginité, mais seulement, et selon une façon de parler qui est ordinaire aux Hébreux, qu'elle devint mère. Lors donc que l'apôtre dit, que Dieu envoya son Fils formé d'une femme, il indique évidemment que Dieu l'envoya là où il devait se faire homme. Car, en tant qu'il est né de Dieu, le Fils était déjà dans le monde, mais en tant qu'il est né de la Vierge Marie, il fut envoyé, et il vint dans le monde. Au reste, Il a été envoyé conjointement par le Père et l'Esprit Saint. Et, en effet, on ne saurait tout d'abord comprendre que la naissance humaine du Verbe ait pu avoir lieu sans le concours de l'Esprit Saint. Et puis l'Évangile nous l'affirme ouvertement. La Vierge Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il ? » Et l'ange lui répondit, « L'Esprit Saint surviendra en vous, et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. » Aussi saint Matthieu dit-il qu'elle se trouva avoir conçu du Saint-Esprit. Luc 1, 34, 35, Matthieu 1, 18. Enfin, c'est de son futur avènement en la chair que Jésus-Christ lui-même a dit par la bouche d'Isaïe, « Le Seigneur et son Esprit m'ont envoyé. » Isaïe 48, 16. Peut-être aussi quelqu'un de mes adversaires me pressera-t-il jusqu'à me faire dire que le Fils s'est envoyé lui-même. Et, en effet, la conception de Marie et son enfantement sont une œuvre de la Trinité tout entière, puisque les trois personnes divines coopèrent également à la création des êtres. Comment donc, direz-vous, le Fils est-il envoyé par le Père, s'il s'envoie lui-même? Avant toute réponse, je demande à mon tour qu'on m'explique comment le Père sanctifie le Fils, puisque celui-ci se sanctifie lui-même. Or, Jésus-Christ a expressément formulé cette double vérité. « Moi, dit-il, que le Père a sanctifié et envoyé au monde, vous dites que je blasphème, parce que j'ai dit, je suis fils de Dieu. » Jean 10, 36. Et dans un autre endroit, il dit, « Je me sanctifie pour eux. » Verset 17, 19. Je demande encore comment le Père a pu livrer son Fils à la mort, puisqu'il s'y est livré lui-même. C'est ce que nous enseigne l'apôtre, quand il nous dit que Dieu n'a pas épargné son propre Fils, et qu'il l'a livré pour nous tous. Et parlant ailleurs du Sauveur et de sa rédemption, il écrit ces mots, « Il m'a aimé, et il s'est livré pour moi. » Romains 8, 32, Galates 2, 20. Avec un peu de science théologique, on me répondra que dans le Père et le Fils il y a unité de volonté, non moins qu'unité d'opération. Comprenons donc que si le mystère de l'incarnation du Verbe est celui de sa naissance du sein de la Vierge Marie, nous révèle qu'il a été envoyé par le Père, il n'est pas moins certain que ces deux mystères sont l'œuvre conjointe et unique du Père et du Fils. Il faut aussi leur adjoindre l'Esprit Saint, car l'Évangile dit expressément que Marie se trouva avoir conçu du Saint-Esprit. Cette manière d'élucider la question nous fera comprendre plus facilement le sens de cette assertion. Dieu le Père a envoyé son Fils, il lui a commandé de venir dans le monde, et soudain le Fils a obéi, et est venu. Mais le Père a-t-il simplement manifesté un désir? Ou bien a-t-il donné un ordre formel? Peu importe, puisque dans un cas, comme dans l'autre, le Père a déclaré sa volonté par sa parole. Or, la parole ou le Verbe de Dieu n'est autre que le Fils de Dieu. C'est pourquoi, dès là que le Père a envoyé le Fils par sa parole, on est en droit de conclure que cette mission n'est pas moins l'œuvre du Fils que celle du Père. Le Père envoie le Fils, et le Fils s'envoie lui-même, parce qu'il est le Verbe, ou la parole du Père. Et, qui pourrait en effet proférer cet horrible blasphème, et dire que le Père a prononcé une parole rapide et passagère pour envoyer son Verbe éternel, et faire que dans le temps il apparut en notre chair. Mais la vérité est qu'en Dieu était le Verbe, qu'au commencement le Verbe était avec Dieu, et qu'il était Dieu lui-même. Ainsi cette sagesse divine qui n'est point bornée par le temps, a daigné dans le temps prendre la nature humaine. Et comme en dehors de tout calcul de temps et de durée, le Verbe était au commencement, et que le Verbe était avec Dieu, et que le Verbe était Dieu, éternellement aussi résidait dans le Verbe le décret ou la parole qui réglait que dans le temps le Verbe se ferait chair, et qu'il habiterait parmi nous. Jean 1, 1, 2, 14. Lors donc que la plénitude des temps fut arrivée, Dieu envoya son Fils formé d'une femme, Galates 4, 4, c'est-à-dire né dans le temps, afin que son Verbe devint homme et qu'il parût au milieu des hommes. Mais le Verbe avait de toute éternité fixé en lui-même le moment où il se manifesterait dans le temps. Car l'ordre des temps et la succession des siècles sont éternels en la sagesse de Dieu. Or, puisque nous reconnaissons que le décret qui réglait l'incarnation appartient également au Père et au Fils, nous pouvons dire avec raison que celui des deux qui a paru en notre chair a été envoyé, et que l'autre qui ne s'est point manifesté l'a envoyé. Car les œuvres extérieures qui paraissent à nos yeux se réalisent en Dieu dans le secret de la divinité, et c'est pourquoi on les dit envoyés, missa. Au reste, c'est la personne du Fils qui s'est fait homme, et non celle du Père. Aussi disons-nous que dans ce mystère le Père a envoyé le Fils, parce qu'étant, avec son Fils, Dieu est invisible, il a fait que ce Fils s'est rendu visible. Mais si le Fils, en se rendant visible, eût cessé d'être invisible ainsi que le Père, c'est-à-dire si la nature invisible du Verbe se fût changée et transformée en une créature visible, on comprendrait bien que le Père envoie le Fils, quoique l'on ne puisse concevoir aussi facilement que le Fils reçoive de lui-même sa mission, ainsi qu'il la reçoit du Père. Mais parce que le Fils, en prenant la forme d'esclave, a conservé la forme divine en toute son intégrité, il est évident que le Père et le Fils, par une opération secrète et invisible, ont fait que le Fils apparut parmi les hommes. En d'autres termes, le Père invisible et le Fils invisible ont envoyé le Fils, afin qu'il se manifestât au monde. Pourquoi donc Jésus-Christ dit-il, « Je ne suis point venu de moi-même ». C'est qu'il parlait en tant qu'homme, et c'est en ce même sens qu'il ajoutait encore, « Je ne juge personne. » Jean 8, 42, 15. Nous disons donc que Dieu le Fils a été envoyé, parce qu'étant comme Dieu caché au regard des hommes, il s'est rendu visible comme homme. Et de même il est aisé de comprendre que l'Esprit Saint est également envoyé. Car nous savons que cet Esprit divin s'est manifesté quelquefois sous une forme sensible et matérielle. Ainsi, au baptême de Jésus-Christ, il descendit sur lui sous la forme d'une colombe, et au jour de la Pentecôte, il s'annonça d'abord par un vent violent, et les apôtres virent ensuite comme des langues de feu qui se partagèrent et se reposèrent sur chacun d'eux. Matthieu 3, 16, Actes des Apôtres, 2 à 4. C'est cette manifestation visible de l'action secrète de l'Esprit Saint que nous appelons mission. Sans doute, il n'apparut pas en cette nature invisible et incommunicable qui lui est commune avec le Père et le Fils, mais il voulut exciter, par ses signes sensibles, l'attention des hommes, afin que de cette même manifestation temporelle, il s'élevasse à la pensée de sa présence éternelle et invisible.